En Corée du Sud, le Conseil de mesures pour le problème des volontaires a revendiqué le 3 mai l'abolition de l'accord sur le problème d'esclavage sexuel en guise de protestation à la publication du rapport sur le problème des victimes des femmes de réconfort au service de l'armée japonaise par le ministère sud-coréen des femmes et des familles.